Troisième partie. Naturellement. Elle est à vous, cette voiture? Oui. Bon, je vous dresse une contravention. Il est interdit de stationner ici. S'il n'y avait pas de panneau, je comprendrais. Vous ne savez pas lire? Je proteste. Ça fait un mois que je gare ma voiture ici. Et on ne m'a jamais rien dit. Qu'est-ce qu'il y a donc de changé? Le règlement? Non. L'agent de service.